1. Œuf. E. Odeur. Râleur. Matheux. Moteur. 2. Ailleurs, lieu. E, heure. Be, bœuf. 3. Aïeux. Ailleurs. Valeureux, voleur. Radieux, railleur. 4. Tanneur, trier. Feu, violonneux. 2. Douleur. 5. Meux, meule. Boutonneux, buveur. Peur, peu. 6. Boiteux, bilieux. Veux, veut. Noceur, nœud. 7. Sœur, ce. Cieux, cœur. Coureur, creux. 8. Tousseur, tousseux. Peureux, percepteur. Curieux, courageux. 9. Meurt, mieux. Malheureux, malheur. Facteur, fleur.